Sinon, l'ikhlas, religieusement parlant, c'est vouer, c'est viser Allah seul avec tous nos actes d'adoration. Unifier Allah avec toutes nos intentions et nos actes d'adoration. Ça, c'est l'ikhlas. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, a dit, l'ikhlas, c'est l'intention sincère vis-à-vis d'Allah. C'est d'avoir la bonne intention vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahel ibn Sa'd, Sahel ibn Abdillah Tustari, rahimahullah, a dit, la sincérité, c'est que tes actes et tous tes actes et tous tes gestes, tes paroles, ton silence, tout ça soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu le fais pour Allah. Un autre parmi salaf a dit, la sincérité, al-ikhlas, c'est d'oublier les créatures et de voir uniquement le Créateur. Il veut dire par cela, j'essaie de traduire littéralement, mais le sens, c'est de ne viser que le Créateur par tout ce que tu fais, comme si tu ne voyais pas les créatures. Car quand on tombe dans l'ostentation, c'est pour s'embellir devant les créatures. T'as regardé les créatures. Et tu t'es adressé à eux avec une partie de ton adoration. Pour s'attirer leur estime, leur respect, leur admiration, leur considération, et ainsi de suite. Donc la sincérité, c'est de ne viser que Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été dit que la sincérité, c'est l'harmonie et l'équilibre entre l'apparence du serviteur et son intérieur. Et ça a été dit que la sincérité, c'est vouer tous les actes à Allah subhanahu wa ta'ala en se rapprochant de lui seul, sans ostentation, sans demander quelque chose de dunya, une rétribution de dunya ou un salaire de cette dunya, ni pour s'attirer les compliments, l'admiration des créatures. Tu fais tout cela en espérant la récompense d'Allah et par crainte de son châtiment et en espérant son agrément et sa satisfaction.